Bon moi na mayo. So cute yes. Nesina kuma nani. Deli solo na ngai. Ebe ta mas soutien. Osa soutien existence na ngai yes. Ce qui est dans le pays, Atana moto alanda kamba oyeye Arsène Kianga, Docteur Hubert Samba, hey, Kola Mone Langabino papa. Soki yote na vinangai. Ayo, soki yote yesu na vinangai.